بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On a vu hier le fait que le manhaj salafi est un manhaj divin. Et justement le fait que ce manhaj soit un manhaj divin montre l'importance d'apprendre ce manhaj. Pour tous ceux qui recherche la récompense et la satisfaction du divin tabaraka wa ta'ala. Fal manhaj as-salafi huwa al-islam wa al-islam huwa al-manhaj as-salafi. Le manhaj salafi c'est l'islam et l'islam c'est le manhaj salafi. On a dit quoi hier? On a dit que le manhaj salafi c'est le fait de suivre fermement les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam, et que ses compagnons eux-mêmes ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a vu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Donc comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun prophète qu'Allah a envoyé avant moi sans qu'il ait eu dans sa communauté des apôtres et des compagnons qui prenaient de sa sunna, qui prenaient sa sunna et qui suivaient ses ordres, ses commandements. Et donc les compagnons, ils ont pris la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. L'islam nous ordonne de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre les compagnons du prophète radiyallahu anhum. L'imam al-Barbahari rahimahullah, il dit dans son livre I'lamu anna al-islam huwa as-sunnah wa as-sunnah hiya al-islam wa la yakumu ahaduhuma illa bil-akhar. Il dit sachez que l'islam c'est la sunna. L'imam al-Barbahari rahimahullah qui nous dit dans Sharh al-Sunna, sachez que l'islam c'est la sunna, c'est-à-dire c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est voulu par la sunna ici, c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui d'entre vous qui aura une longue vie, il verra beaucoup de divergences. Fa'alaykum bi sunnati, alors accrochez-vous à ma sunna. Ce qui est voulu ici, c'est ma guidée, ma voix. Et donc l'islam c'est la sunna, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna c'est l'islam. Wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Et l'un ne peut se séparer de l'autre. L'islam ne peut pas se séparer de la sunna et la sunna ne peut pas se séparer de l'islam. Les deux vont ensemble. Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit en montrant la voie des gens de la sunna, il dit wa tariqatuhum huwa dinul islam alladhi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahidah wa hiya al-jama'ah wa fi al-hadith anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. Et donc il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, comme dans Majmou' al-Fatawa, et leur méthodologie, leur voie, c'est la religion de l'islam. Donc la voie des gens de la sunna, c'est la religion de l'islam. Celle avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que sa communauté va se diviser en 73 groupes, tous dans le feu sauf un, et c'est Al-Jama'a, le groupe. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ce qui est voulu ici, c'est dans une autre narration. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et donc le groupe sauvé, ce sont ceux qui ont la même pratique que moi ainsi que mes compagnons. Ce sont ceux qui sont sur ce sur quoi je suis aujourd'hui et mes compagnons. Il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Alors, ceux qui s'accrochent à l'islam pur, l'islam qui n'est pas mélangé à autre, ce sont les gens de la sunna. C'est Ahl sunnati wal jama'a. Ahl sunnati wal jama'a, Ahl al-athar, Ahl al-hadith, as-salafiyoun, tous ces noms pour un même groupe. Ceux qui s'accrochent au athar, ceux qui s'accrochent au texte, ceux qui s'accrochent au hadith, ceux qui s'accrochent à la sunna, ceux qui s'accrochent à la voix des compagnons, radiyallahu anhum. Voilà les caractéristiques du groupe sauvé. Voilà les caractéristiques des musulmans qui pratiquent un islam pur. Et donc si on comprend clairement cela, alors on comprend que le manhaj salafi, comme je l'ai dit au début, c'est l'islam. Et donc si on comprend que le manhaj salafi, c'est l'islam, quelles sont donc les sources et les références de l'islam? Le Coran et la Sunna. Les sources et les références du manhaj salafi sont le Coran et la Sunna. De la même façon que les sources et les références de l'islam sont le Coran et la Sunna. Contrairement aux groupes, aux sectes qui vont prendre comme source les paroles de leurs enseignants qui sont contraires au Coran et à la Sunna, comme les fondements des Ikhwan, comme les fondements des Tablir, les fondements des Soufis et autres. Tandis que le manhaj salafi, ses références et ses sources sont le Coran et la Sunna. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru. Il nous appelle par le nom de la foi. À chaque fois que tu entends ce mot, à chaque fois que tu entends cela, Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru. Écoute bien, fais attention. Ce sujet concerne ceux qui ont la foi, car leur foi les appelle à obéir à ce qui suit. Ya ayyuhalladhina amanu, atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'aux détenteurs de l'ordre parmi vous. Et si vous vous disputez en quoi que ce soit, alors renvoyez cela, c'est-à-dire renvoyez votre divergence à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, si vous croyez en Allah et au jour dernier, chaque divergence, chaque conflit que nous avons pour savoir qui a raison et qui a tort, nous regardons le Coran et la Sunna. Nous regardons le Coran et la Sunna. Voilà la référence du manhaj salafi. Et donc, les musulmans, il leur est ordonné de revenir vers le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils sont croyants. Et ceci, c'est l'islam. Et c'est ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ceci qui a, et c'est ça la salafiyya. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre Fahkum baynahum bima anzal Allah wa la tattabi' ahwa'ahum. Juge d'entre eux avec ce qu'Allah a fait descendre. Juge d'entre eux avec ce qu'Allah a fait descendre et ne suis pas leur passion. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, il fait les éloges des croyants. Et il dit الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Ceux à qui nous avons donné le livre, ce sont eux qui œuvrent avec celui-ci. يتلونه التلاوة. Ce qui est voulu ici, les savants du tafsir, ils nous citent, ce n'est pas que le fait de réciter ce livre, mais c'est le fait de le réciter, de le comprendre et d'œuvrer avec. Ceux-là, ce sont ceux qui y croient. Et donc ça nous montre encore l'importance du fait d'œuvrer avec le livre d'Allah pour les gens de la Sunna, dans le manhaj salafi. Et parmi les sources et les références des gens de la Sunna, des salafis, Parmi les sources et les références du manhaj salafi, il y a bien évidemment, comme on a cité précédemment, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Ati'u Allah wa ati'u Rasul » Obéissez à Allah et obéissez au messager. Il nous dit tabaraka wa ta'ala « Wa ma atakum ar-rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu » Ce avec quoi vous est venu le prophète, alors prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Et certes, il est important de comprendre que la sunna barakallahu fikum, elle explique le Coran. Elle explique le Coran. Tu ne peux donc te passer de la sunna. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim » Nous avons fait descendre sur toi le rappel afin que tu expliques aux gens ce qu'on a fait descendre sur eux, afin que tu expliques aux gens le Coran. Tu ne peux donc pas te passer de la sunna. Allah, il t'ordonne de prier. Comment tu pries? Tu vas regarder dans la sunna. La zakat, tu vas regarder dans la sunna, etc., etc. Et donc la sunna explique le Coran. Il y a parmi les sources et références du manhaj salafi, parmi les sources et références de l'islam, il y a l'ijma, l'unanimité. L'unanimité des ulama, des savants. On a vu hier un verset qu'on a récité plusieurs fois. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira » Celui qui fait scission du prophète et qui suit une autre voie que celle des croyants. Il suit une autre voie que celle des croyants. Nous nous détournons de lui comme il s'est détourné. Et nous le brûlerons en enfer. Et quel mauvais refuge, quelle mauvaise destination. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a utilisé ce verset comme preuve montrant que l'unanimité des savants est une preuve. Allah tabaraka wa ta'ala, ou du moins le prophète sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, il dit comme dans Jami' al-Tirmidhi, Inna Allah la yajma'u ummati ala dolala. Certes, Allah ne réunit pas ma communauté sur un égarement. Allah ne réunit pas ma communauté sur un égarement. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre « Wa ma dhabard al-haq illa dolal » Qu'il y a-t-il en dehors de la vérité si ce n'est l'égarement? Qu'y a-t-il en dehors de la vérité si ce n'est l'égarement? Et donc si on comprend bien, toute personne qui contredit l'unanimité est dans un égarement. Puisque Allah ne réunit pas sa communauté sur un égarement. Donc toute personne qui va contredire l'unanimité va être sur un égarement. Voilà pourquoi les ulama ils nous disent, il est important pour talib al-ilm, pour l'étudiant en science, d'apprendre les ijma'at, les sujets d'unanimité. Les sujets d'unanimité ferment la porte aux gens du faux. Pourquoi? Parce que toi tu viens, tu expliques à la personne. Comme on a cité précédemment, parmi les sources et les références de l'islam, parmi les sources et les références du manhaj salafi, il y a le Coran et la Sunna. Et donc tu viens, tu veux expliquer à une personne qu'elle est dans le faux. Et tu lui dis, Qala Allah, Qala Rasulullah. Il va te dire, en ce qui concerne le verset, il faut que tu saches qu'il y a une interprétation qui dit que. Il y a une explication qui dit que, en ce qui concerne le hadith, daif. Comme ils nous font. Hein? Dès que le hadith les dérange, daif. Ismaïl Mounir, le hadith de la division le dérange, daif. Et donc toi, tu viens avec l'unanimité. Tel et tel savant ont rapporté l'unanimité des savants sur tel sujet. La porte est fermée. Ne viens pas avec des interprétations ou autres. Là, c'est un sujet d'unanimité. Et aussi, il y a donc parmi les sources et références du manhaj salafi, Il y a les paroles des compagnons. Il y a les paroles des compagnons. Les paroles des compagnons sont des preuves. Oui. Les paroles des compagnons sont des preuves ou pas? Dans toute situation où il y a des conditions? Alors les frères, c'est conforme à la sunna. Et le Coran, non? Ou le Coran et la sunna. Et donc la parole d'un compagnon est une preuve. Si, premièrement, il ne contredit pas une preuve textuelle, c'est-à-dire le Coran et la sunna. S'il ne contredit pas une preuve textuelle, deuxièmement, et s'il ne contredit pas un autre compagnon. Car s'il contredit un autre compagnon, là, on va regarder lequel des deux est le plus proche de la preuve. Mais donc, la parole d'un compagnon est une preuve textuelle si cette parole n'est pas contraire. La parole d'un compagnon est une preuve si cette parole n'est pas contraire aux preuves textuelles et si celui-ci ne contredit pas un autre compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité le hadith de la division et il nous a cité que le groupe sauvé a une caractéristique. Il dit man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, celui qui a la même pratique que moi et mes compagnons. Et donc ça nous montre l'importance de suivre et de comprendre la législation comme les compagnons l'ont fait. Et aussi, dans le manhaj salafi, nous accordons une grande importance aux paroles des savants, les paroles des imams de la communauté. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, tabaraka wa ta'ala, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah et obéissez au messager ainsi qu'aux détenteurs de l'ordre parmi vous. Les savants, ils nous disent, les détenteurs de l'ordre, les détenteurs du commandement sont les gouverneurs et les savants. Les gouverneurs ainsi que les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit wal ulama warathatul anbiya, et les savants sont les héritiers du prophète, sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers du prophète. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah élève ceux d'entre vous qui ont eu la foi et ceux qui ont eu la science. Et donc les gens de la sunna, ils accordent une grande importance aux gens de science, aux ulama. Ils reviennent vers eux, car ces ulama vont leur transmettre le Coran et la sunna avec la bonne compréhension qui est celle des compagnons radiyallahu anhum. Cependant, les gens de la sunna, les salafis, les adeptes de l'islam pur, ils ne vont faire devancer personne à Allah et son messager. Personne ne va donc prévaloir à Allah tabaraka wa ta'ala et son messager. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Oh vous qui avez eu la foi, ne devancez pas Allah et son messager. Dans le tafsir, ils nous disent, les ulema, ne devancez pas Allah et son messager. Et donc, avant de faire, tu te renseignes. Est-ce que ce que tu vas faire est conforme à l'islam? Avant de prier, tu cherches à savoir comment est la prière. Avant de jeûner, tu cherches à savoir comment est le jeûne. Ne devancez pas Allah et son messager. Et aussi, parmi les sens du verset, ne faites devancer personne à Allah et son messager. Et donc oui, les gens de la sunna, ils vont suivre les compagnons. Et ils vont suivre les ulama, les savants. Lorsque les savants sont conformes à la sunna, lorsque les savants sont conformes aux preuves textuelles. Sinon, nous ne les suivons pas. Sinon, nous ne suivons pas donc le savant qui va se tromper. Comme il nous a dit, Mu'adh, wa uhadhirukum zayrat al-hakim. Et je vous mets en garde contre l'erreur du sage, contre l'erreur du savant. Et rappelez-vous donc Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui débattait avec certains sur un sujet. Il leur a dit, mais qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit? Ils lui ont dit, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit. Abu Bakr et Omar, les meilleurs de la communauté. Il a répondu, yushiku an tanzil alaykum hijaratun min as-sama', que s'en faut que des pierres ne tombent sur vos têtes, que des pierres ne tombent du ciel sur vous. Akulu lakum qala Rasulullah, je vous dis, le messager d'Allah a dit. Et vous dites, qala Abu Bakr wa Omar. Et vous dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Abu Bakr et Omar, les meilleurs de notre communauté. Aujourd'hui, il y en a, tu vas leur dire, qala Rasulullah. Tu vas leur dire, qala Allah. Ils vont te dire, ouais, mais mon cheikh a dit. Ya akhi, même Abu Bakr et Omar. Aujourd'hui, tu nous parles de ton cheikh. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de comprendre les sources et les références du manhaj salafi. Et le manhaj salafi, l'islam, accorde une grande importance à la langue arabe. Et on va finir avec ça, avec ce sujet, la langue arabe. Car toutes ces preuves que nous avons vues, toutes les sources dont nous avons parlé, et les références que nous avons citées, sont en arabe. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan. Certes, nous l'avons fait descendre, un Qur'an en arabe. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, Wa aydan, fa inna nafs al-arabiyyati, fa inna nafs al-lughati al-arabiyyati min ad-din. Et aussi, la langue arabe en elle-même fait partie de la religion. Et le fait de connaître celle-ci, donc le fait de connaître la langue arabe, est une obligation. Car certes, la compréhension du livre est obligatoire. Et nous ne pouvons la comprendre sans la langue arabe. Et tout ce dont l'obligation ne peut être accomplie sans cet élément, alors cet élément est lui-même obligatoire. Exemple. La prière est obligatoire. À partir du moment où l'heure de la prière arrive, à partir du moment où tu dois sortir de ton lieu d'intimité ou autre, il t'est obligatoire d'avoir un vêtement. Et donc à ce moment-là, le vêtement devient obligatoire. Parce que tu as besoin de ce vêtement pour accomplir quelque chose d'obligatoire. La prière. Et donc le vêtement est devenu obligatoire. Tu as besoin de la langue arabe pour comprendre le Coran. Comprendre le Coran, c'est une obligation. Tu as besoin, et donc, avoir la langue arabe est obligatoire. Nous devons faire des efforts sur ce sujet, des cours d'arabe, et encore. Et donc, c'est important, les frères, barakallahu fikoum, apprenez la langue arabe. Ne restons pas comme cela tout le temps, on attend sur les prédicateurs. Non, apprends la langue arabe. C'est très important pour qu'on puisse comprendre notre religion. Lire des livres qui n'ont pas été traduits. Il y a énormément de livres qui n'ont pas été traduits. Énormément. Il y a des livres qui ont été mal traduits. Il y a des livres qui ont été traduits par des personnes qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et donc il faut faire attention. Apprends la langue arabe. On va arrêter là, inshallah ta'ala, le deuxième cours, dans quelques... بإذن الله تعالى جزاكم الله خيرا